Debout les morts, de Fred Vargas. Adaptation, Claire Leluerne. 7e épisode. Un mois après la disparition mystérieuse de la cantatrice Sofia Simeonidis, la police a retrouvé son corps carbonisé. L'inspecteur Le Guenec révèle qu'elle était suffisamment riche pour que certains préfèrent lui composer un requiem plutôt qu'un opéra. Parmi ses héritiers, le mari infidèle, le père de la chanteuse, mais surtout Alexandra, la jeune nièce de Sofia, qui a fait une promenade nocturne au volant de la voiture de sa tante la veille de la découverte du corps. L'étau se resserre autour de la jeune femme. L'ancien commissaire Van Dossler et ses trois apprentis enquêteurs ont bien du mal à prouver son innocence. Van Dossler a alors l'idée de lancer l'inspecteur Le Guenec sur la piste de nouveaux suspects, ses trois petits protégés. Cette diversion parfaite lui permettra de continuer à enquêter officieusement. Ça a marché comme sur des roulettes. Tous les trois, vous êtes les nouveaux suspects de Le Guenec. Ça n'a pas été facile au début, mais là, ça y est, Le Guenec est bien ferré, il est persuadé que l'un de vous trois est coupable. Peut-être même les trois. Tu te fous de nous? Vous vouliez aider la petite? Eh ben voilà, c'est fait. Le Guenec va lâcher du lest maintenant, Alexandra, tu vas voir. Dans votre tête, ça ressemble sûrement à une idée formidable, mais vu d'ici, ça a l'air quand même un peu bizarre ce plan. Le Guenec se méfiait de notre petite équipe. Il fallait que je te protège, tout en essayant de garder un peu de contrôle. Il se méfiait de toi, oui. Mais enfin, pourquoi Le Guenec nous soupçonnerait? On n'avait aucun intérêt à tuer Sofia. Mais c'est très simple. On a trois hommes de 35 ans à la dérive dans une baraque pourrie. Autant dire, des voisins peu recommandables. L'un de ces types a emmené la dame en promenade, il l'a violée avec sauvagerie et il l'a tuée pour qu'elle se taise. Mais t'es complètement dingue! Et en plus, on vous a déjà vu rôder dans son jardin. Oh mais oui, la tranchée. Eh oui! Vous vous êtes introduit chez elle sous de fausses identités et sous un faux prétexte pour creuser une tranchée dans son jardin. On peut pas faire plus louche, c'est du pain béni les évangélistes. Non mais alors là j'abandonne. On est foutus. Le Guenec va nous tailler en pièces. Ok, tournée générale. Ah oh ouais, quelque chose de fort. Tu viens m'aider? Ouais, j'arrive. Non mais, attendez. À un moment, il faut être cohérent. Et la carte? La carte avec l'étoile, c'est nous, ça, peut-être? Bah oui, peut-être, pourquoi pas. Ça complique les choses, mais on peut imaginer que la dame vous avait parlé de son petit Stélios. Elle était pas mal copine avec toi, Saint-Marc, non? Elle t'avait demandé des conseils sur son arbre. T'étais pour ainsi dire presque son confident. C'est du délire. Voilà, attends, plus simple. Elle t'a raconté qu'elle avait peur de son ex pour que vous acceptiez de creuser sous l'arbre. C'est logique. Rappelez-moi de vous donner ma définition de la logique en rentrant à la maison. Et après, vous vous êtes servi de cette ruse grossière pour attirer Sofia à Lyon. Sale pervers. Mais je vous en prie. Bref. Vous l'avez interceptée à la gare, et on connaît la suite. Mais puisque je te dis qu'elle ne nous en avait jamais parlé, de son Stélios... Mais qu'est-ce que tu veux que ça foute à la police? Vous n'avez que votre parole. Et franchement, ça ne compte pas beaucoup quand on est dans la merde comme vous. Double whisky sec pour tout le monde. Alléluia. On commence par moi. Tiens, Marc. Merci. D'accord. Et pourquoi pas toi, hein? Avec toutes tes idées formidables, t'aurais bien pu trouver un truc. Ce n'est pas à 68 ans qu'on se met à violer les femmes, voyons. Marc, tu es encore plus sain que je ne le pensais. Je serais passé à l'acte bien avant, tous les flics savent ça. Et pour toi, Mathias? Ouais, merci. Vous, par contre, vous êtes pile dans le bon âge. 35 ans, célibataire, à moitié cinglé. On peut s'attendre à tout avec des types comme vous. Ok, faut qu'on se tire. Il faut qu'on se plante quelque part. Tiens, Saint-Luc, bois ça. C'est pas du whisky, c'est quoi ce truc? C'est de la betterave, 50 degrés. Mais si je vous l'avais dit, vous n'en auriez jamais voulu. Vous en voulez aussi, tonton? C'est pas désagréable. On ne pactise pas avec l'ennemi. Ça va, Saint-Luc. Comme je dis toujours, à l'apéro, il n'y a pas d'ennemi. Parole de sage. Mais non merci, ça va. Moi, j'ai l'esprit très clair, je vous signale. Et je dois le garder. Ah oui, ça on voit, c'est épatant. Pas de panique. De toute façon, le Guenec ne peut rien contre vous. Mais le temps qui contrôle tout ça, ça mobilise deux sous-fifres pour rien. Ça se défend. Saint-Mathieu, je t'en resserre. Ouais, ça a l'air de lui faire du bien. En matière de betterave, je ne peux rien te refuser, Juliette, tu sais. Là-dessus, c'est vrai que tonton a raison, c'est toujours ça de prix à l'ennemi. Je peux avoir un autre shot, moi aussi, Juliette. Alors là, vous me faites plaisir. Non, merci, Juliette, moi, c'est bon. Non, mais attendez, les gars. Être emmerdé par les flics, soupçonné d'avoir violé Sophia, ça vous fait ni chaud ni froid. Vous vous en foutez complètement. Violer Sophia. Ouh, y'a quelqu'un qui a encore un cerveau, ici? Ou l'agneau vous l'a complètement fondu? Bah, moi, oui. Oui, quoi? T'as fondu? Moi, je sais que je ne pourrai jamais violer une femme. Après, ce que les autres en pensent, franchement, je m'en fous. Le chasseur-cueilleur est un sage. Non, mais alors là, j'hallucine. Allez, bois un coup, Saint-Marc. Ça se défend. Quand on a sa conscience pour soi, après tout, on s'en fout de ce que pensent les autres. C'est vrai? Regarde, moi aussi, je suis accusée. C'est pas pour ça que j'ai pété les plombs? J'ai pété les plombs, Mathias? Non. Saint-Luc, j'ai pété les plombs? Non. Bah, t'as pas pété les plombs? J'ai non. Pas pété les plombs. Non, t'as pas pété les plombs? Non, j'ai non, pas, pété pété les plombs. Non, non, elle a pas pété les plombs. Voilà, je sais que j'ai rien fait et ça me suffit. Si tu pètes les plombs, c'est louche. C'est sûr. Ouais, si tu pètes les plombs, c'est que t'as quelque chose à te reprocher. Mmh. Ok, vous êtes tous tarés, j'abandonne. Mais je te préviens, Landosler, si je fais un seul jour de prison, c'est toi qui l'expliqueras à ta sœur. Ta mère m'a toujours adoré. Arrête un peu. Ah oui, c'est pour ça qu'elle t'a expédié chez moi. Tu parles. Votre propre sœur vous a viré. C'est un peu plus compliqué que ça. Ça ne compte plus, la famille de nos jours. Qu'est-ce que vous voulez? C'est vrai, on devrait tous prendre exemple sur Juliette. Mmh. On est tous comme une grande famille pour moi, de toute façon. La famille Adams à côté, c'est des jésuites. Oh là là, ça va, redescends, Jacques Mérine. Tu n'es pas non plus l'ennemi public numéro un, faut pas exagérer. Il n'y a pas que vous, hein, sur ma liste. Si ça chauffe trop, j'ai encore quelques autres suspects potentiels à jeter en pâture à Le Guenec. Et tu pouvais pas commencer par eux? Si. Mais j'ai pensé qu'éthiquement, ce ne serait pas juste que je vous épargne. Tonton-oncle, j'adore votre éthique. Permettez-moi de porter un toast. Bon, ben voilà, parfait. Donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Oh, ça dépend. C'est qui les autres que vous voulez mettre sous la dent de Le Guenec? Je dois commencer à m'inquiéter. C'est une surprise. Vous verrez. Vous avez trouvé des trucs que vous ne nous dites pas. Parce que le moment venu, vous ne devez pas avoir l'air d'être dans la confidence. On n'aura l'air de rien alors. Allez, à la vôtre, hein. À la nôtre. À la vôtre. Oh, putain. Il est 6h du mat, les gars, merde. Marc, c'est Le Guenec qui vient pour toi. Allez, allez, debout, debout. Quoi? Hein? Le Guenec? Mais non, je déconne. Ce matin, c'est moi qui viens chercher. Eh, hey, mais t'es vraiment un merci l'humour à la con. Hein. T'es malade, c'est pas possible, j'ai failli faire une attaque, moi. Tant mieux, je te rendors pas. Aujourd'hui, je veux que tu prennes le relais pour la mission de surveillance. La mission de surveillance? Mais c'est quoi, ça? Tu restes à la fenêtre, tu guettes et tu notes tout. C'est ça que tu fais toute la journée, là-haut, dans ta chambre? Eh mais heureusement qu'il s'est passé un truc avec une voisine, hein. Sinon t'aurais vraiment l'air cinglé, tu sais. Tu notes tout, même les trucs qui t'intéressent pas. Oui, t'inquiète pas, compte sur moi. Ça va, je suis là. Si ça continue, c'est moi qui vais te le payer, ce téléphone, tu m'entends? Oh, mais attends. Un petit café, Saint-Marc? Un petit café, ça serait pas de refus. Merci, Mathias. L'oncle en a rien à foutre de me laisser là, à mourir de faim. T'as, je sais pas comment tu fais pour te trimballer toujours torse nu. Ça caille ici, non? Non. On est en juin, et on dirait que cette baraque fait exprès de nous martyriser. Tiens, j'ai monté du pain aussi. Et que me vaut ce soudain dévouement, Saint-Mathieu? Ton oncle m'a demandé de surveiller que tu surveillais. Non, mais je rêve. Ah, j'aurais mieux fait de me spécialiser dans la période stalinienne. Bah, si tu crois que ça m'enchante, mon seul jour de congé, je te jure. Prends une chaise, ça risque d'être long, je te préviens. Ça se passe comment? 7h20. Une femme passe avec son panier à provisions, peut-être un kabab. Pensez à rechercher l'étymologie du mot kabab. Bah dis donc, en effet, quand tu dis que tu notes tout, tu notes tout. J'ai juste manqué Rolivo. Sa voiture n'était déjà plus là quand je me suis installé. Et pourtant, ce con de Le Guenec m'a réveillé aux aurores. Ah oui, tiens. Tu sais pourquoi il est venu? Bah parce qu'on n'a pas de téléphone. Ça va devenir un motif suffisant pour nous arrêter. T'as vu? C'est Alexandra. Elle amène Cyril à l'école. Elle n'est pas en avance. Tu peux parler. T'imagines? Si elle nous voyait là, en train de manger du pain à la fenêtre. Elle nous prendrait vraiment pour de tarés. Tu m'étonnes. Tu la trouves comment, toi? Qui ça? Alexandra. Adorable. Ah, adorable, carrément. Oui. J'adore cet intéressant combat chez elle entre vulnérabilité et hardiesse. Oui, bon, ça va, on a compris. Mais arrête, Marc, je déconne, je te la laisse. J'ai déjà trouvé la femme de ma vie, elle s'appelle l'Histoire. Et c'est une maîtresse plus qu'exigeante. Bon, et en plus, si tu veux mon avis... Non, je suis pas trop sûr. Mon avis, tu n'as pas à t'inquiéter. T'as vu le petit? Tout rond, le menton en avant. Si ça se trouve, le père est gros et moche, t'as toutes tes chances. T'es dégueulasse, le pauvre. Je suis pragmatique, Saint-Marc. Les chasseurs-cueilleurs sont des êtres extrêmement sensibles à la paléobiologie. Tu devrais en prendre de la graine. Tiens, note ça. 9h45, un type, 40 ans environ, sonne chez les Siméonidis. C'est qui ce gars? On dirait un prof avec sa sacoche, tu ne trouves pas? Complètement. Ma fac était remplie de spécimens de ce genre. Ou peut-être un démarcheur. Possible. La femme de ménage le vire? Attends. On dirait qu'il lui file un truc. Mais c'est qui ce type? Tu donnerais ta carte à la femme de ménage, toi, si t'étais un démarcheur? Marc? Bonjour. Je peux vous aider? Non merci, ça va. Au revoir. Je vous ai vu sonner chez les Siméonidis, chez le voisin. Je peux peut-être vous renseigner, je le connais bien. Je voulais voir Pierre Reliveau, mais il n'est pas là, donc... Merci en tout cas. Bonne journée. Mais repassez ce soir, mais pas trop tôt. Il rentre rarement avant 6 ou 7 heures. C'est gentil, mais sa femme de ménage m'a dit qu'il était en déplacement pour quelques jours. Mais comment ça, en déplacement? Où ça? Elle ne savait pas. Ni où, ni combien de temps. Excusez-moi, vous êtes qui, vous m'avez dit? Un ami. Mais si vous voulez, moi je peux savoir où il est allé, je peux même me renseigner très vite. Ça serait surtout pour savoir quand il rentre, en fait. Ah bah ça, je peux avoir l'info en 2 minutes. Vous avez un téléphone? J'ai plus de portable, mais regardez, j'habite là. Si vous voulez, on va chez moi. Comme ça, je risque pas de partir en courant. C'est gentil, mais... Mais si, venez! Allez, je vous offre un café. Allô? Le commissariat du 13e arrondissement? Est-ce que je pourrais parler à l'inspecteur Le Guenec, s'il vous plaît? Inspecteur? Je vous rends votre portable tout de suite, hein. Le Guenec? Saint-Marc à l'appareil, oui. Oui, oui, tout va bien. Est-ce que mon oncle est avec vous? Vous pouvez me le passer? Merci. Allô, tonton-oncle? Dis-moi, tu peux me... Oui, oui, ça va, ça va. Mais non, j'ai pas quitté, moi. Saint-Mathieu est là-haut, ok? Saint-Mathieu? Oui, c'est... laissez tomber. Tonton-oncle, est-ce que tu peux demander à ton breton où est parti Reliveau? Et quand il doit rentrer, ouais? Ben ouais, il est parti. Non? Sa voiture était déjà plus là quand je me suis installé. Il est parti avant l'aube. Il a forcément dû déclarer quelque chose à la police, hein? Ok. J'attends. Non, c'est parce qu'on est 4 à vivre ici, et en fait, il y a 4 étages. Donc au début, on a essayé de suivre l'ordre chronologique, mais un jour, on galérait dans les escaliers. Bon, on avait bu aussi, c'est sûr que Lucien, il picole beaucoup. Et attendez, attendez. Oui! Ok. D'accord. À tout à l'heure. Reliveau est parti à Toulon en déplacement professionnel. Il peut revenir demain matin comme lundi prochain, ça dépend de comment ça se passe là-bas. Je ne peux pas attendre jusqu'à lundi prochain, je viens de Genève. Bah, malheureusement, les flics peuvent le joindre d'urgence via le ministère, mais pas nous. Hein. Mais et vous êtes flic ou... J'ai pas bien compris. On est des chercheurs. Ah, mais t'es là, Lucien. Présentement, tel que vous nous voyez, on cherche l'assassin de Sofia Siméonidis. C'est pas vrai. Moi aussi, je cherche l'assassin de Sofia Siméonidis. Je m'appelle Christophe Dompierre. Ça fait 17 ans que je suis dans le noir, que je doute. Et, comment dire, je crois que la mort de Madame Siméonidis pourrait me permettre de trouver ce qu'il me manque. ce qu'il vous manque. Oui, les flics n'ont pas voulu nous croire à l'époque. En 99, mon père a été abattu dans sa voiture avec un ami à lui, 2 balles dans la tête. Oh, quelle horreur. La police a retrouvé de la cocaïne chez mon père, et elle a conclu à un règlement de compte entre gros dealers. Mais avec ma mère, nous savions qu'il y avait autre chose. Mon père nous avait dit qu'il avait peur, qu'il savait quelque chose qui pouvait le mettre en danger. Mais les flics ont refusé de nous écouter, ils ont classé l'affaire sans avoir retrouvé le meurtrier. Ah oui, oui, ça c'est leur spécialité. Le week-end dernier, je suis allé voir le père de Sofia Simeonidis, à Dourdan. Il m'a ouvert ses archives. Il a une pièce entière consacrée à sa fille. Ouais, bizarre, hein. Je crois que j'ai mis la main sur quelque chose là-bas. Et cette chose que vous avez découverte, ça a un rapport avec la mort de Sofia ? Je ne peux encore rien vous dire. Je dois être absolument certain avant de dire quoi que ce soit. Si je me trompais, ça pourrait être grave. Je comprends que vous ayez moyennement confiance en la police, mais nous, on bosse avec des spécimens un peu particuliers, vous savez. Oui, on la connaissait depuis peu, mais Sofia était une amie très chère. On peut peut-être s'entraider. Qu'est-ce que vous cherchiez ? Quand vous dites « depuis peu », c'est-à-dire ? Vous êtes ses voisins depuis combien de temps ? Depuis le 20 mars. Et elle a disparu le 20 mai, c'est ça ? C'est ça. Attendez, juste le temps que je note. Vous voulez un papier ? Non, non, c'est bon, merci. J'ai ce qu'il faut là-dedans. Je garde tout dans ma sacoche, comme ça, je suis sûr de ne rien perdre et de ne rien oublier. Je vous en prie, si vous savez quelque chose, il faut nous le dire. On a besoin d'avancer, nous aussi, sinon, c'est nous qui risquons d'être accusés. Nous sommes peut-être les seules personnes à qui vous pouvez faire confiance. Qu'est-ce que vous cherchiez exactement ? Un nom. Est-ce qu'avant cette date, il y aurait quelqu'un qui serait passé voir Sofia ? Une visite inattendue ? Ou peut-être même quelqu'un qu'elle ne connaissait pas ? Non. Enfin, il y a bien eu une visite inattendue, mais c'était pas vraiment... Quoi ? C'était pas vraiment quelqu'un. Comment ça ? C'était un arbre. Un être, plus exactement. D'accord. Bon. On est comme vous, hein. On voit pas le rapport. Écoutez, je vous donne l'adresse de mon hôtel, c'est dans le 19e, l'hôtel du Danube, rue de la Prévoyance. Est-ce que vous pourriez me contacter dès que Relivo réapparaîtra ? D'accord, on vous fera signe. Immédiatement, dès son retour, d'accord ? Même la nuit. Il a peut-être rencontré la personne que je cherche sans se rendre compte de l'importance de cette visite, vous comprenez ? C'est très important. On vous appellera tout de suite, promis. Merci. Et merci beaucoup pour le café, tout ça. Merci. N'oubliez pas votre sacoche. Ah, ça risque pas. Tout est là-dedans. Tous les documents, toutes mes notes. Je m'en séparerai pour rien au monde. Est-ce que je peux utiliser vos toilettes ? Bien sûr, c'est au premier. T'en penses quoi ? Il est bizarre. Mais ça m'a presque donné envie d'aller faire un tour à Dourdan voir le père de Sofia. Ouais. C'est vrai qu'il est bizarre. Bonjour Alexandra. Bonjour Juliette. Coucou Saint-Mathieu. Eh, hey, salut Alexandra, je t'avais pas vu arriver. Ah ah, depuis que j'habite ici, j'ai accès à plein de raccourcis, tu sais. Mais la maison pourrie me manque, qui l'aurait cru, hein. Et tu sais, tu peux revenir quand tu veux, hein. Vous savez s'il y a du neuf ? J'ai vu l'oncle filer avec le Guénec hier, t'es au courant d'un truc ? Non, il a rien dit. En revanche, on a vu un drôle de gars avec Marc. Un type de Genève, qui espérait résoudre tout seul un vieux truc de 15 ans avec le meurtre de Sofia. Christophe Dompierre. Ça te dit quelque chose, toi ? Non, Dompierre, ça me dit rien. Et pourtant, il est allé voir ton grand-père. À Dourdan ? Oui. Bah attends, si ça se trouve, je le connais alors. J'aurais bien aimé lui parler. Mais t'inquiète, le gars n'est pas parti. Il est dans un hôtel dans le 19e, rue de la Prévoyance. On doit l'appeler dès que Pierre Relivo rentre. Ah, vous me direz, parce que j'aimerais bien savoir comment va mon grand-père. Je voudrais aller le voir, mais j'ai pas du tout envie de mêler Cyril à tout ça. Je comprends. Hé, hey, qu'est-ce que je te sers ? Bon, rien, j'ai pas très faim. Et tu sais, je peux t'amener un petit truc à grignoter. Il y a moins de monde en ce moment. On a plein de restes dans la cuisine. Même Lucien n'arrive pas à tout éponger le soir. Non, c'est très gentil, mais ça va. Salut, vous deux. Vous n'avez pas vu Marc ? Non. Vous êtes sûr ? Qu'est-ce que vous complotez, là, tous les deux ? Rien du tout. Bon, Alexandra, je t'apporte quand même des chips et des olives. Merci. Saint-Mathieu, t'as pas vu Marc ? Non ! On n'est pas compliqué. Mais tu es là, toi, je te cherche partout. Oh, bah je vais aller me chercher un sandwich, il fallait que je sorte un peu, j'en pouvais plus d'être là-haut. Mais c'est bon, je vois très bien la rue d'ici aussi, hein. D'ailleurs, faut que je te dise un truc mais ce matin. Tu es vraiment un abruti, putain. Je te demande un truc et tu désertes. Oh, du calme. J'ai quand même le droit de me nourrir, non? Non. Le Ganek vous a dans le collimateur, je te signale. Ah, et à cause de qui? Quand on est dans la merde, on reste concentré et on ne s'absente pas. Eh ben moi, je m'absente. Et d'ailleurs, trouve-toi un nouvel espion pour demain, je serai pas là de la journée. Et tu vas où? Je dois faire des trucs pour le boulot. Hors de question. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Rien. Tu m'as coupé l'appétit. Je rentre. Oh, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Lucien, tu peux venir s'il te plaît? Je bosse. Faut que je te dise un truc, il y en a pour une minute. Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin que tu m'aides. Je vais aller chez le père de Sophia. Quand? Demain. Je me fous de ce que mon oncle en pense, c'est lui qui nous a mis dans la merde, je vais pas attendre qu'il essaye peut-être de nous en sortir. En plus, comme ça je me ferai une idée de la marâtre et du beau-fils. Et tu sais même pas où c'est? Si, à Dourdan. Juliette m'a dit que c'est dans la même rue que la maison de Sophia. Et Sophia m'avait donné l'adresse avant de... mourir. Ouais. Tu veux que je vienne avec toi? Non, j'ai besoin d'un allié ici. Si l'oncle te demande où je suis, tu trouves un truc... Un truc? Un bon truc. Faut qu'il se doute de rien. Mais... Garçon, à table. Je suis sûr que tu t'en sortiras, mais fais attention à rester un soldat efficace et concentré, d'accord? Mon oncle est très très fort, alors dis-toi que t'es vraiment mobilisé pour la Grande Guerre. Merde, la Grande Guerre. Quoi? J'avais complètement oublié. J'ai un dîner commémoratif ce soir, je peux pas le rater. Je suis en retard pour l'histoire. À tout à l'heure. Eh, ne bois pas trop. Putain, c'est quoi ce truc? Lucien? Lucien? Attends, j'arrive, Lucien, bouge pas! J'arrive! C'était Debout les morts, de Fred Vargas, dans une adaptation de Claire Leluerne. 7e épisode. Avec Manuel Valade, Marc. Duncan Evenou, Mathias. Emmanuel Suarez, Lucien. Patrick Zimmermann, Van Dossler. Edith Baldi, Juliette. Elodie Hubert, Alexandra. Olivier Clavry, Le Guénèque. Vincent Rouquès, Dom Pierre. Et les voix de Joséphine Serre, Laetitia Hipp, Michel Baladi et Pierre Carbonnier. Bruitage, Bertrand Amiel. Musique originale, Dominique Massa. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Claude Niort, Pierre Henry. Assistant à la réalisation, Vivien Demeyer. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Debout les morts, de Fred Vargas, est publié aux éditions Viviane Amis.